Bonjour à tous. Je m'appelle Kanuti. J'ai 30 ans. Je suis tanzanien. Je suis guide francophone à Arusha. Je parle swahili, anglais et français. Voici le programme de ma journée. D'abord, je prends mon petit déjeuner vers 5h30. 6h moins le quart. Ensuite, vers 6h15, je prépare le pique-nique de midi et le thermos pour le thé et le café. Tous les jours, je vais chercher mes clients à 7h pile. Nous partons en 4x4 en direction du parc national. Au programme, une journée complète de safari. Vers midi, nous déjeunons dans le parc. Après le déjeuner, une petite sieste de 20 minutes. Puis, nous continuons la balade dans le parc. À 4 heures, nous rentrons à Arusha. Je dépose mes clients à l'hôtel. Je rentre à la maison vers 6 heures du soir. J'aime beaucoup mon travail.